tu reconnaîtras l'épanouissement dû au bien-être suprême. Il leur sera servi à boire d'un nectar cacheté. Son cachet sera de musc. Voilà un objectif pour ceux qui voudraient rivaliser de ferveur pour l'atteindre. Et ce nectar sera mélangé à l'eau de Tasnim. Source dont boivent les privilégiés. Ceux qui commettaient les crimes se riaient de ceux qui avaient cru. Lorsqu'ils passaient à côté d'eux, ils les toisaient et échangeaient des clins d'œil. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ Et quand ils retournaient chez eux, ils retournaient l'air moqueur. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ Et quand ils les voyaient, ils disaient « Ceux-là sont vraiment égarés. » Pourtant, nul ne les a chargés d'être leurs gardiens. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Mais ce jour-là, ce sera ceux qui ont cru qui riront des mécréants. على الأرائك ينظرون Étendus sur les couches, ils verront bien alors. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Si les mécréants n'ont pas été rétribués pour ce qu'ils faisaient.